Pour audiocité.net, valse de Frédéric Chopin, opus 34, numéro 2, licence Musopen. D'Alphonse Allais, la valse, suivie de la vie drôle, de l'autographe homicide, de fausses manœuvres, et complainte amoureuse. Lu par Alain Bernard. La valse. Le col du pardessus relevé, mes mains dans les poches, j'allais par les rues brumeuses et froides, en cet état d'abrutissement vague qui tend à devenir un état normal chez moi depuis quelque temps. Tout à coup, je fus tiré de ma torpeur par une petite main finement gantée qui s'avançait vers moi, et une voix fraîche qui disait « Comment, te voilà, grande guape ?» Je levai les yeux. La personne qui m'interpellait aussi familièrement était une grosse, jeune blonde, petite femme, jolie comme tout, mais que je ne connaissais aucunement. « Je crains bien, madame, répondis-je poliment, de n'être point la grande guape que vous croyez. »« Ah, par exemple, c'est trop fort !» Et elle me nomma. « Comment » continua-t-elle. « Tu ne me reconnais pas ? Je suis donc bien changé ? Voyons, regarde-moi bien. »« Aussi longtemps que vous voudrez, madame, car cette opération n'a rien de déplaisant pour moi. »« Tu n'as pas changé, toi. Tu ne te rappelles pas le Luxembourg ? Lequel, madame ? Le jardin ou le grand-duché ? Imbécile ! J'avais beau la considérer avec la plus vive attention, impossible de trouver un nom, ou même de rattacher le moindre souvenir. » À la fin, elle eut pitié de mon embarras. « Nanette, » dit-elle en éclatant de rire. « Comment, c'est toi, ma pauvre Nanette ? Oh, combien engraissée ! Oui, je suis devenue un peu forte. » Je l'avais connue voilà 7 ou 8 ans. C'était à cette époque une gamine ébouriffée et toute menue. J'aurais pu, semblait-il, la fourrer dans la poche de mon holster. Apprentie dans je ne sais quel atelier de Montrouge, elle fréquentait plus assidûment le Luxembourg que sa boîte, et je ne me lassais pas d'admirer la longanimité de ses patrons, qui acceptaient bénévolement d'aussi longues et fréquentes disparitions. Aiguë avec cela, et maligne, un beau jour elle avait disparu sans crier gare, et je n'avais jamais revu. J'étais émerveillé de la retrouver ainsi changée, et surtout considérablement augmentée. Je ne m'en cache pas, j'adore les jeunes femmes un peu fortes. Mais je les préfère énormes, et voici la raison. J'ai un faible pour la peau humaine lorsqu'elle est tendue sur le corps d'une jolie femme. Or, j'ai remarqué que les grosses personnes offrent infiniment plus de peau que les maigres. Voilà. Mon amie était dans ce cas, et tandis qu'elle me racontait son histoire et sa métamorphose, je l'enveloppais d'un regard gourmand et convoiteur. Elle en avait à me raconter depuis le temps. D'abord, elle était tombée amoureuse de jeune premier au Théâtre National des Gobelins. Premier collage, où le confortable était abondamment remplacé par des volées quotidiennes. Un jour, la volée fut bicotidienne. Alors Nanette, outrée de ce procédé inqualifiable, lâcha le cabotin et devint la maîtresse d'un jeune sculpteur de Montparnasse. Pas de coup avec cet artiste, mais une purée. Et tout le temps posé, tout le temps. Heureusement qu'il vint une commande, un buste. Un jeune homme riche tenait à posséder ses traits en marbre. Quand les traits furent terminés, le jeune homme riche emporta son buste et Nanette. Entre nous, je crois que le buste n'était qu'une frime imaginée par le jeune homme riche pour se rapprocher de l'objet de son amour. Quoi qu'il en soit, Nanette prit un ascendant considérable sur son nouvel amant, et, comme elle le disait un peu modernement, elle le menait par le bi du bout du nez. Tout de suite avec lui, elle s'était mise à engraisser. Enchantée d'ailleurs. « Ça me donne un air sérieux, » affirmait-elle. « Étonnamment, » demandai-je, « joli garçon, superbe, intelligent, un vrai daim, mon cher. Imagine-toi. » Et elle me conta forces anecdotes tendant tout à démontrer la parfaite stupidité du personnage. « Et que fait-il ? » ?»« Rien, je te dis. Il est riche. Pourtant, il a une prétention, composée de la musique. « As-tu un livret d'opéra à mettre en musique ?»« Non, pas pour le moment. »« Ah, une idée. » Elle frappa dans ses mains en femme à qui il vient d'arriver une bonne idée. « Tu as du talent, » fit-elle. « Dans quel genre ? » ?»« écris les paroles d'une opérette, apporte-les-lui. Ça ne sera jamais joué, mais tu auras un prétexte pour venir à la maison. Tu verras comme il est bête. Je n'eus garde, vous pensez bien, de manquer une si belle occasion. Je bâclai le lendemain même une ânerie qui ressemblait à une opérette, comme l'œil crevé ressemble au syllabus, et j'apportai la chose à mon compositeur. Nanette n'avait pas menti, et il était encore plus bête que ça. Il fut enchanté que j'eusse pensé à lui. « Mais qui diable a pu vous parler de moi ?»« C'est M. Saint-Saëns qui m'a donné votre adresse. »« Saint-Saëns ? Mais je ne le connais pas. »« Eh bien, lui vous connaît. » Nanette, qui se trouvait en peignoir, les cheveux sur le dos, plus jolie que jamais, se tenait les côtes. Je me serais volontiers chargé de cette opération. « Joue donc ta valse à monsieur, » dit-elle. Il se mit au piano et préluda. Silencieusement, Nanette m'indiqua la pendule, je regardai l'heure, 10h15. Il jouait sa valse avec une conviction véritablement touchante. C'était une suite d'airs idiots, mille fois entendus, mais quel feu dans l'exécution. Le monde extérieur n'existait plus pour lui. Il se penchait, se relevait, se tortillait. La sueur ruisselait sur son front génial. Nanette me regardait de son air le plus cocasse. « Crois-tu, hein ?» En effet, il fallait le voir pour le croire. Je la contemplais goulûment. Cré Dieu, qu'elle était jolie en peignoir. La valse marchait toujours. Nous étions assis à côté l'un de l'autre sur un divan. « À quoi penses-tu » fit-elle brusquement. « Je suis en train de calculer la surface approximative de ton joli corps, et divisant mentalement cette superficie par celle d'un baiser, je calcule combien de fois je pourrais t'embrasser sans t'embrasser à la même place. Et ça fait combien ?»« C'est effrayant. Tu ne croirais pas. » La valse était finie. Il était 10h35. L'artiste s'épongeait. « Superbe, superbe, superbe !»« Seulement, » ajouta Nanette, « monsieur ne la trouve pas assez longue. Monsieur me faisait remarquer, avec raison, qu'après le grand machin brillant, tu sais, ploum, ploum, ploum, pataploum, tu devrais reprendre la mélodie. Tu sais, tralalala, tralalala. » C'est votre avis, monsieur ? Je crois que ça ferait mieux. Je pris congé. Il était temps. J'allais mourir de rire. Mais je revins le lendemain. Mon compositeur était sorti. Ce fut Nanette qui me reçut en peignoir, les cheveux sur le dos, comme la veille. Le divan était là-bas, large, tentant. Je devins pressant. Nanette se défendait mollement. « Non, pas maintenant, quand il sera là. »« Oui, ce sera bien plus drôle, pendant sa valse. » Toujours d'Alphonse Allé, La vie drôle. Je viens d'accomplir une plaisanterie complètement idiote, mais dont le souvenir ne causera longtemps encore de vives allégresses. Ce matin, un peu avant midi, je me trouvais à la terrasse de chez Maxim's. Quelques gentlemen préalablement installés y tenaient des propos dont voici approximativement la teneur. Ce vieux Georges, ce cher Alfred, ce sacré Gaston, je t'assure, mon vieux Georges, que je suis bien content de te rencontrer. Depuis le temps. Et moi aussi. Abrégeant ses exclamations. Tu déjeunes avec nous, hein? Volontiers. Où ça? Ici. Entendu. Et tu dînes avec nous aussi. Oh, ça, pas mèche. Pourquoi donc? Tous les samedis que Dieu fait, c'est-à-dire 5218 fois dans le cours d'un siècle, je dîne avec Alice. Quelle Alice? Ma nouvelle bonne amie. Gentil? Très. Mais un caractère. Amène-la. Impossible. Le samedi, elle a sa famille. Alors avise-la d'un empêchement subi. Le nommé Georges, à qui ses camarades tenaient ces propos tentateurs, sembla hésiter un instant. Puis, brusquement, « Et allez donc, c'est pas ma mère. » Un petit bleu apporté par le garçon fut aussitôt griffonné. « Excuse-moi pour ce soir, forcé partir en province, affaire urgente, mon avenir en dépend, temps semble si loin de toi, etc. etc. » Puis l'adresse, Alice de Grincheuse, 7 rue du Roi de Prusse. par le plus grand des hasards, je ne suis pas de nature indiscrète. Mes regards tombèrent sur l'adresse de la dame. Alice de Grincheuse, 7 rue du Roi de Prusse. À 7 minutes précises, je me transformais en artisan diabolique, comme dit Zola, non sans raison, de l'imbécile facétie suivante. Je me rends à la taverne royale, je demande de quoi écrire à le chasseur. Chasseur, portez ce mot immédiatement à cette adresse. Il n'y a pas de réponse. Après quoi, je reviens sans tarder chez Maxime's, où je m'installe à la table voisine des précités gentlemen. Pendant que ces derniers dégustent leurs huîtres, lisez mon fallacieux petit billet à la jeune Alice. Ma chère Alice, si tu n'as rien de mieux à faire, amène-toi donc tout de suite déjeuner avec moi et quelques camarades chez Maxime's. Ne t'étonne pas, sans calembour, de ne pas reconnaître mon écriture. Je viens de me fouler bêtement le pouce, et c'est mon ami Gaston qui tient la plume pour moi. Viens comme tu es, ton fou de Georges. Oh, ce ne fut pas long. La seule frite n'était pas plutôt sur la table qu'une jeune femme, fort gentille, ma foi, envahissait le célèbre restaurant. Tu t'es fait mal, mon pauvre Georges. Inoubliable, tête de Georges. Alice, qu'est-ce que tu fais ici? Inoubliable, la tête d'Alice. Comment ce que je fais ici? Tu es fou, sans doute. Inoubliable, les deux têtes réunies d'Alice et de Georges. D'autant plus inoubliable que j'omis ce détail. Georges et ses amis avaient cru bon de corser leur société au moyen de deux belles filles appartenant, je le gagerai, au demi-monde de notre capitale. Un qui ne s'embêtait pas, c'était moi, avec mon air de rien. Plus les pauvres gens s'interrogeaient, s'inextriquaient la situation. Est-ce bête? Je n'ai jamais déjeuné de si bon appétit. L'autographe homicide. J'étais resté absent de Paris pendant quelques mois, fort pris par un voyage d'exploration dans la région nord-ouest de Courbevoie. Quand je rentrai à Paris, des lettres s'amoncelaient sur le bureau de mon cabinet de travail. Parmi ces dernières, une bordée de noir. C'est ainsi que j'éprouvai la douloureuse stupeur d'apprendre le décès de mon pauvre ami Bonaventure des Machins, trépassé dans sa 28e année. « Comment, m'écriai-je, des Machins, un garçon si bien portant, si vigoureusement constitué ?» Mais quand j'appris, quelques heures plus tard, de quoi était mort des Machins, ma douloureuse stupeur fit à leur place un si vif épatement que j'en tombai de mon haut, 2,08 m. « Comment, me récriai-je, des Machins, un garçon si rangé, si vertueux ?» Le fait est que la chose paraissait invraisemblable. « Pauvre des Machins. Je le vois encore si tranquille, si bien peigné, si bien ordonné dans son existence. Il avait bien ses petites manies, parbleu, mais qui n'a pas les siennes. Par exemple, il n'aurait pas, pour un boulet de canon, acheté un timbre-poste ailleurs qu'à la civette du Théâtre Français. Il prétendait qu'en s'adressant à cette boutique, il réalisait des économies considérables de port de lettres, les timbres de la civette étant plus secs, par conséquent plus légers, et moins idoines à surcharger la correspondance. Innocente manie, n'est-il pas vrai? Si des Machins n'avaient eu que ce petit faible, il vivrait encore à l'heure qu'il est. Malheureusement, il avait une passion d'apparence indangereuse, mais qui, pourtant, le conduisit à la tombe. Des Machins collectionnait les autographes. Il les collectionnait comme la lionne aime ses petits, farouchement. Et il en avait de ses autographes. Et il en avait. Mon Dieu, en avait-il? De tout le monde, par exemple, de Napoléon Ier, d'Yvette Guilbert, de Chinchol, de Henri Gauthier-Villars, de Charlemagne. Il est vrai que celui de Charlemagne, j'en savais la provenance, mais pour ne point désoler des Machins, je gardais toujours à l'égard de ce parchemin faussement suranné un silence d'or. C'était un vieil élève de l'école des Chartes, tombé dans une vie d'improbité crapuleuse, qui s'était adonné à la fabrication de manuscrits carlovingiens. Ne pas écrire carlovingien, et qui fournissait à des Machins des autographes des époques les plus reculées. L'ami qui m'apprenait le trépas de des Machins, en tous ses pénibles détails, semblait lutter contre un désir d'aveu. À la fin, il murmura : « Et ce qu'il y a de plus terrible, c'est que je suis un peu son assassin. » Du coup, ma douloureuse stupeur se teinta d'étonnement. « Oui, continua-t-il, le pauvre des machins est mort sur mon conseil. » « Le guillotiner par persuasion, quoi. Oh, ne ris pas, c'est une épouvantable histoire, et je vais te la conter. » Je pris l'habitude bien connue du gentleman à qui on va conter une épouvantable histoire, et mon ami, car malgré tout, c'est encore mon ami, me narra la chose en ces termes. Un jour, je rencontrai des machins enchantés d'une nouvelle acquisition. Ils venaient d'acheter un os de mouton sur lequel était inscrit, de la main même du prophète, un verset du Coran. « Mais tu as payé ça ?» lui demandai-je. « Une bouchée de pain, mon cher. C'est un vieux cheikh arabe qui me l'a cédé. Comme il avait absolument besoin d'argent, j'ai pu avoir l'objet pour 3 000 francs. »« Matin, pensai-je, 3 000 francs, une bouchée de pain ? Ça le remet cher, la livre. » Et il m'emmena chez lui pour me faire admirer son nouveau classement. Il avait, disait-il, inventé un nouveau classement dont il était très fier. La vue d'une lettre de Nélaton me suggéra une idée et machinalement je lui demandai « Tu n'as pas d'autographe de Ricord ?»« Ricord ? Qui est-ce ? Comment ? Tu ne connais pas Ricord ?»« Le malheureux, c'est-à-dire non, le bienheureux, ou plutôt non, le malheureux, ne connaissait pas Ricord. » Alors moi je lui dis « La gloire de Ricord !» Et des machins résolut aussitôt d'avoir, en sa collection, un mot du célèbre spécialiste. Dès le lendemain, il alla chez ses fournisseurs ordinaires, pas le moindre Ricord. Chez ses fournisseurs extraordinaires, pas davantage. Des machins se désolaient, s'impatientaient. Car lui, si calme d'habitude, tournait facilement au fauve lorsqu'il s'agissait de sa collection. Pourtant, rugissait-il, il y a des gens qui en ont, ces autographes. Oui, répliquai-je avec douceur, mais ceux qui les détiennent sont plus disposés à les enfouir dans les plus intimes replis de leur portefeuille qu'à en tirer une vanité frivole. Tu me donnes une idée. Puisque Ricord est médecin, je vais aller le trouver. Il me fera une ordonnance qu'il signera et j'aurai un autographe. C'est ingénieux, mais malheureusement, ou plutôt heureusement, tu n'es pas malade. J'ai un fort rhume de cerveau. Tu vois, mon nez coule. Ton nez ? Je n'achevais pas, ayant toujours eu l'horreur des plaisanteries faciles, mais j'éclairais des machins sur le rôle de Ricord dans la société contemporaine. 8 jours se passèrent. Un matin, des machins entra chez moi, pâle, mais les yeux résolus. « Tu sais, j'y suis décidé. »« À quoi ?»« À aller chez Ricord. »« Mais encore une fois, tu n'es pas malade. »« Je deviendrai. »« Et précisément, je viens te demander des détails. » Je crus qu'il plaisantait, mais pas du tout. C'était une idée fixe. Alors, et ce sera l'éternel remords de ma vie, j'eus la faiblesse de lui fournir quelques explications. Je lui conseillais les folies bergères, par expérience. La semaine d'après, des machins m'envoyaient un petit bleu ainsi conçu. « Viens me voir, je suis au lit, mais qu'importe, je l'ai. » Les 3 derniers mots, triomphalement soulignés. « Oui, termina tristement le narrateur. Il l'avait. Et c'est de ça qu'il est mort. » Fausse manœuvre. Un beau matin, on vit débarquer à Honfleur, arrivant par le steamer du Havre, un grand vieux matelot, sec comme un coup de trique, et si basané que les petits enfants le prenaient pour un nègre. L'homme déposa sur le parapet le sac en toile qu'il portait et tourna ses regards de tous côtés en homme qui se reconnaît. « Ça n'a pas changé, murmurait-il. V'là la lieutenance. » V'là l'hôtel du Cheval Blanc, v'là l'ancien débit à Déliquaire, v'là la mairie. Tiens, ils ont rebâti Sainte-Catherine. Mais c'étaient les gens qui ne reconnaissaient pas. Dame, quand on a quitté le pays depuis 30 ans, un vieillard tout blanc passé, décoré, un gros cigare dans le coin de la bouche, notre matelot le reconnut, celui-là. « Veille à mon sac, dit-il à un gamin, et il s'avança, son béret à la main, honnêtement. « Bonjour, capitaine Forestier. Comment que ça va depuis le temps ? Comment ? Vous ne me remettez pas ? Théophile Vincent, la belle Ida, Valparaiso. Comment ? C'est toi, mon vieux Théophile ? Eh bien, il y a autant que je te croyais décapelé. Pas encore, capitaine. ni pareil à ça. » Pendant cette conversation, deux vieux lamaneurs, des haleurs hors d'âge, s'étaient approchés et à leur tour reconnaissaient Théophile. Vite, il eut retrouvé d'anciens amis. Et ce fut des « et un tel » mort, « et un tel » perdu en mer, « et un tel » jamais une nouvelle. Quant à la propre famille de Théophile, la majeure partie était décapelée, comme disait élégamment Capitaine Forestier. Deux nièces seules restaient, l'une mariée à un huissier, l'autre à un cultivateur, tout près de la ville. Théophile, que 30 ans de mer du Sud avait peu disposé à la timidité, ne se laissa pas influencer par les panonceaux de l'officier ministériel. Son sac sur le dos, il entra dans l'étude. Un seul petit clerc s'y trouvait, très occupé à transformer en élégante baleinière une règle banale. Théophile considéra l'ouvrage en amateur, donna à l'enfant quelques indications sur la construction des chaloupes en général, et des baleinières en particulier, et demanda « Irma est-elle là ?»« Irma ?» fit le clerc, interloqué. « Oui, Irma, ma nièce. Elle déjeune là. » Sans façon, Théophile pénétra. On se mettait à table. « Bonjour, Irma. »« Bonjour, monsieur. » « C'est pas pour dire, ma pauvre Irma, mais t'as bougrement changé depuis 30 ans. Quand je t'ai quitté, t'avais l'air d'une rose mousseuse. Maintenant, on dirait une vieille goyave. » Le mari d'Irma faisait une drôle de tête. « Un sale type, le mari d'Irma. Un de ces petits rouquins mauvais, rageurs, un de ces aimables officiers ministériels dont le derrière semble réclamer impérieusement le plomb des pauvres gens. » Irma non plus n'était pas contente. Bref, Théophile fut si mal accueilli qu'il rechargea son sac sur ses épaules et revint sur le port. Il déjeuna dans une taverne à matelots, paya des tournées sans nombre et se livra lui-même à quelques excès de boissons. Le soir était presque venu lorsqu'il songea à rendre visite à Constance, sa seconde nièce. « Une femme des champs, pensait-il, je veux être accueilli à bras ouverts. » Quand il arriva, tout le monde dévorait la soupe. « Bon appétit, la compagnie !» Constance se leva, dure et sèche. Qu'est-ce que vous voulez, vous, l'homme ? Comment ? Tu ne me reconnais pas, ma petite Constance ? Je connais pas d'homme comme vous. Ton oncle Théophile, il est mort. Mais non, puisque c'est moi. Eh ben, c'est comme si qu'il était mort. Avez-vous compris ? Théophile, en termes colorés et vacarmeux, lui dépeignit le peu d'estime qu'il éprouvait pour elle et sa garce de famille. Et il s'en alla, un peu triste tout de même, dans la nuit de la campagne. Et il acheva sa soirée dans l'orgie, en société de vieux Mathurins, d'anciens camarades de bord, et quand la police, à 11 heures, ferma le cabaret, tout le monde pleurait des larmes de genièvre sur la déchéance de la navigation à voile. On ne parlait de rien de moins que d'aller déboulonner un grand vapeur norvégien en fer qui se balançait dans l'avant-port, attendant la pleine mer pour sortir. En somme, on ne déboulonna rien, et chacun alla se coucher. La première visite de Théophile le lendemain, un matin, fut pour un notaire. Car Théophile était riche. Il rapportait de là-bas 200 000 francs, acquis d'une façon un peu mêlée, mais acquis. Le bruit de cette opulence arriva vite aux oreilles des deux nièces. « J'espère bien, mon petit oncle, » dit Irma. « N'allez pas croire, mon cher oncle, » proclama Constance. D'une oreille sceptique, Théophile écoutait ces touchantes déclarations. À la fin, obsédé par les deux parties, il décida cette combinaison. Il vivrait 6 mois chez Constance, à la campagne, et 6 mois chez Irma, à la ville. Le dimanche, les deux familles se réuniraient dans un dîner où la cordialité ne cesserait de régner. Or, un dimanche soir, de son air le plus indifférent, Théophile tint ce propos. On ne sait ni qui vit, ni qui meurt. Les oreilles se tendirent. « J'ai fait mon testament. »« Oh, mon oncle !» protesta la clameur commune. « Comme ça m'ennuyait de partager ma fortune en deux, je ne l'ai pas partagée. » Une mortelle angoisse déteignit sur tous les visages. « Non, je ne l'ai pas partagée, je la laisserai tout entière à celle de mes deux nièces, chez laquelle je ne mourrai pas. » Ainsi, une comparaison. Je claque chez Irma, c'est Constance Calmago, et vice-versa. Cette combinaison jeta les deux familles dans la plus cruelle perplexité. Devait-on se réjouir ou s'affliger? Finalement, chacun se réjouit, comptant sur sa bonne étoile et sur les bons soins dont on entourerait l'oncle aux œufs d'or. Comme c'était l'été, Théophile logeait chez Constance à la campagne. Même à Capoue, les coqs en pâte se seraient crus en enfer, comparativement au bien-être excessif dont on entourait Théophile. Et Théophile se laissait dorloter, s'amusant beaucoup sous cap. Ce qui le délectait davantage, c'était de voir pousser son ventre. Lui qui avait toujours blagué les crocs pleins de soupe se sentait chatouillé de plaisir à l'idée d'avoir un bel abdomen et d'avance se promettait une grosse chaîne en or avec des breloques pour mettre dessus. Le beau temps cessa vite cette année et Théophile prit ses quartiers d'hiver chez Irma. Mais la ville, ce n'est pas comme la campagne. Les tentations, les femmes. Théophile était en retard pour les repas. Quelquefois même, il ne rentrait pas pour dîner. Un jour même, il découcha. Irma s'inquiéta, et conduite par cette admirable délicatesse dont Dieu semble avoir pourvu exclusivement les femmes, elle attacha à sa maison une belle bonne, appétissante et pas bégueule. L'idée était ingénieuse. Et pourtant, elle ne réussit pas, car 3 mois après, Théophile épousait la belle bonne appétissante et pas bégueule. Complainte amoureuse. Oui, dès l'instant que je vous vis, beauté féroce, vous me plûtes. De l'amour qu'en vos yeux je pris, sur le champ, vous vous aperçûtes. Ah, fallait-il que vous me plussiez, qu'ingénument je vous le dise, qu'avec orgueil vous vous tussiez. Fallait-il que je vous aimasse, que vous me désespérassiez, et qu'enfin je m'opiniâtrasse, et que je vous idolâtrasse, pour que vous m'assassinassiez.